They want to be loved. They have to be loved. The whole world. Everybody wants to be loved. When I was 17, I could do anything. It was so easy. My emotions were so close to the surface. I'm finding it harder and harder to stay in touch. Aside from sex, and she's very good at it. God damn it. I like you guys better. I really do. Now, who the hell else could put up with me, huh? I'm a jerk, I know it. So let's go home and get it over with. Gus? I love you. Don't do that to me. I'll kill you. I could kiss you. I love you. I love you both. Get away from me. Now let's go home and get it over with. You fairy. Fairy Harry. I wouldn't be surprised. Might be better off. You're amazing. It's amazing. You are amazing. I know. What do you want us to do? You want us to go home with you? Let's go. Let's go. Imaginez un gros plan, dans ce gros plan, trois visages cadrés, ils sont collés dans le cadre, trois amis un peu sous, faut l'avouer, et qui, juste après le décès d'un quatrième de leurs amis, en fait, vont passer toute une nuit à se remémorer leur vie et un peu où ils en sont au moment du film qu'on vient d'entendre, de leur vie de couple, de leur vie d'amis, avec trois personnages qu'on entend. On a appris ce matin la mort de Ben Gazzara, et c'était un peu un hommage, on va dire, pas qu'à Ben Gazzara, mais un hommage plus complet à une page qui se tourne d'un certain cinéma indépendant new-yorkais et américain, donc avec notamment, bien sûr, le réalisateur qui était au-dessus de tout ça, John Cassavetes. Vous avez entendu en générique Opening Night et la sublime voix de Jenna Rollands. Et là, juste à l'instant, Husbands, qui est malheureusement inédit pour l'instant en DVD en France et qui va sortir normalement chez Wildside au cours de cette année. Donc voilà, on aura la chance d'avoir Sinon, il est édité. Hein. Moi, je l'ai dans une version allemande, mais en anglais, sous-titré, voilà. Et donc, Peter Falk est mort l'année dernière. Ben Gazzara, bon, John Cassavetes, c'était un peu plus longtemps. Il nous reste Seymour Cassell et Jenna Rollands, on va dire, parmi les plus connus de John Cassavetes. Donc voilà, c'était un peu un hommage que je voulais faire à ce cinéma indépendant qui n'existe plus tellement aujourd'hui. Le cinéma indépendant est passé énormément par les studios, hein, tout ce qui est Fox Searchlight, etc., qui... avec Sundance qui est maintenant aujourd'hui la plate tournante de ces indépendants qui en fait vont plutôt vers ensuite des gros studios. Donc voilà, c'était un hommage. On entendra tout à l'heure même un petit morceau, alors qu'il n'est pas tiré d'une bande originale, mais on entendra Charles Mingus qui aurait dû travailler avec Cassavetes sur Shadows, son premier film, mais bon, voilà, c'est pas complètement fait, mais on entendra ça. Alors aujourd'hui, on va parler. Vous êtes à Bulle de Rêve, bien sûr. Oui, j'ai pas annoncé. Florentine me regarde en disant, bah oui, t'as pas annoncé où on était. Mais bon, c'est pas très important. On sait, on est à Bulle de Rêve. Vous êtes bien évidemment sur Radio Libertaire 89.4 ou sur Internet. Et attention, elle va parler pour la première fois. Elle va venir le numéro de téléphone. Bonjour. Donc vous pouvez nous appeler au 01 43 71 89 40. Wow. Donc voilà, si vous avez quelque chose à dire pendant l'émission, n'hésitez surtout pas. Une émission qui va être tournée plutôt autour du livre et du cinéma d'animation, mais pas que ça. On aime bien des fois lier un petit peu comme ça les invités qu'on avait envie d'avoir. Et bon, ben, on l'a fait autour du livre, mais on parlera évidemment d'autres choses. Avec Stéphanie Varela, bonjour. Bonjour. Qui va nous parler donc de son livre, La peinture animée, et c'est sur Émile Reynaud. Normalement, il y a même la date 1944-1918, entre peinture et cinéma. Donc ça, c'est le titre. On va parler de ça, pas que de ça, on verra après. Ouais, non, j'ai failli l'annoncer en premier, mais c'est normal que j'annonce Sophie. Sophie Rose, en second. Bonjour. Avec qui va nous parler alors de son cinéma, de ses films, mais aussi le fait d'aujourd'hui sortir un film, L'oiseau cachalot, en livre DVD, donc on parlera de ça aussi. Et Sébastien Roffa, que vous connaissez normalement si vous écoutez The Web Anime Bulle de Rêve, wow. Ça fait trois fois, bonjour. Ça fait trois fois, c'est voilà. La troisième fois, oui. Qui est venu nous parler de son premier livre sur propagande animée, qui nous a parlé de son second livre, non, sur propagande animée, et qui va nous parler non pas de son troisième livre, mais qui va nous parler plutôt de son travail à l'Armatan en tant que directeur de collection. N'est-ce pas? Wow, ça fait vraiment bien. Le mot directeur déjà est super important. Mais bon, vous inquiétez pas, il gagne pas beaucoup d'argent, c'est pour ça qu'il est invité ici. Sinon, on l'inviterait pas forcément. Et donc, zéro euro. Voilà, donc il nous parlera aussi de ça. Et puis je voulais quand même vous dire une petite chose. J'ai eu la chance de revenir du Festival de Clermont cette semaine qui a lieu. Ce soir, on aura le palmarès, même si ça nous intéresse pas. Voilà. Je vous conseille, si vous avez l'occasion, je le mettrai, mais de voir souvent l'un des plus beaux films que j'ai eu pour l'instant début d'année qui s'appelle, attention, Posledný autobus en slovaque. Il n'y a pas beaucoup de films slovaques. D'Ivana Laniukova et de Martin Snopek. Je dois sûrement mal prononcer les noms, j'en suis désolé. Le Dernier Bus, un film absolument étonnant. Une espèce de mélange entre la pixilation avec des personnages qui ont des têtes d'animaux et en fait qui se font chasser, qui prennent le bus pour aller vers un ailleurs et qui se font arrêter à un moment donné par des chasseurs. Et c'est en relation absolument étonnante avec ce qui peut se passer aujourd'hui avec l'immigration et avec la difficulté de vivre dans son propre pays. Et c'est il y a une petite ritournelle qui revient, qui est un film absolument passionnant. Et un autre film qui s'appelle Bailey de Julia Pott, donc Bailey comme le ventre, B-E-2-L-Y. L'autre, c'était Dernier Bus, hein, voilà, slovaque. Bailey, Julia Pott, du Royal College of Art, qui est là, on est dans un style complètement différent, complètement barré, qui ressemble un petit peu à un film qui s'appelle Katsu, pour ceux qui connaissent, film japonais, complètement fou, avec des personnages assez étonnants. Et un dernier film, et j'arrêterai là, qui s'appelle Night Fishing, de Chang Yong Park et de Chan Wook Park. Chan Wook Park, vous connaissez mieux quand on prononce à l'envers, Park Chan Wook, qui est le réalisateur de Old Boy, notamment, et surtout de First. Enfin, moi, j'adore First. Film de vampire, comme ça, assez étonnant. Et qui a filmé ça sur son iPhone, ça, on s'en fout un petit peu l'idée du truc, mais c'est très étonnant. Il y a une... C'est pas du tout de l'anime, mais bon, Cassavetes non plus, donc il faut parler de tous les cinémas. Comme j'ai souvent dit, on parle ici d'anime parce que personne d'autre n'en parle, donc c'est pour ça, mais on aime bien parler aussi de... L'anime, c'est du cinéma, voilà, donc on aime bien en parler. Donc Night Fishing, si vous avez l'occasion de le voir, c'est 25 minutes et c'est juste assez barré, donc c'est vraiment pas mal. Sébastien, pourquoi il n'y a pas beaucoup de livres sur le cinéma d'animation? Ouais, j'entame directement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de lecteurs. Est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de lecteurs ou il n'y a pas beaucoup d'éditeurs? Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs parce qu'il n'y a pas beaucoup de lecteurs. Ça se passe dans ce sens-là? Je pense que ça se passe dans ce sens-là. Et il n'y a pas beaucoup de lecteurs, et après il faut s'interroger pourquoi. Mais c'est évident que les tirages sont très faibles, et ceci explique cela. Et c'est assez étonnant, parce que vu l'intérêt grandissant du cinéma d'animation ces dernières années, on aurait pu espérer un accroissement de l'intérêt bibliographique, et en tout cas en France c'est pas tellement le cas pour l'instant. Florentine, t'as beaucoup de livres d'animation chez toi ? J'en ai quelques-uns, je les ai pas tous, hein, mais j'en ai quelques-uns, oui. Et bah, tous les étudiants, enfin, moi, en école, on m'a souvent conseillé des livres ou dit d'acheter des livres. Hein. Je pense qu'en école, on nous conseille de le faire. C'est quoi, plutôt des livres de théorie ou des artbooks ? Non, des livres. Bah, j'ai Histoire du cinéma animation de Lalou, enfin, les anciennes Dreamland que j'avais achetées. J'avais les livres d'Olivier Cotte. Et ensuite. J'ai des choses qui sont entre mi-artbook, enfin, qui étaient vendues avec des DVD, qui se faisaient à un moment où il n'y avait pas d'image, mais aussi du fond, je ne me souviens plus là sur le coup, qui étaient vendues avec des DVD, je ne me souviens plus sur le coup, mais voilà, j'ai plutôt des choses sur le fond plutôt que des artbooks. Les artbooks, c'est à part, c'est pas vraiment. Enfin, pour moi, je ne considère pas ça comme des livres sur le cinéma d'animation. C'était pourtant l'une des ventes les plus importantes de l'ancien magasin, qui est fermé, qui était avec Chalet, et qui était. Et elle disait, ça y est, évidemment. Toujours en direct, quand tu dis quelque chose qui a trop de mémoire, elle t'a interviewé, donc tu vas nous dire qui c'est. tu me regardes. Mais oui, parce qu'elle était pour bref. Ça y est, j'ai un trou de mémoire. Ah, Cécile. Cécile Giraud-Babouche. Oui. Voilà, je ne voulais pas dire Madame Babouche. Cécile Giraud-Babouche, voilà. Donc, et qui disait bien que dans son... c'était les artbooks qui se vendaient en grande majorité, finalement, assez peu les livres chez Dreamland, sa meilleure vente, c'était le livre du film L'étrange Noël de Monsieur Jack. Et après, je crois que c'était Mille et une pattes. Ouais. Et c'était constamment des traductions de livres, d'artbooks, effectivement, en français. Et là, il y a un livre qui marche plutôt pas mal sur l'art ludique, mais qui est un livre, encore une fois, très grand public et très illustré. Ça marche pas mal, et... c'est vrai ? Ouais, ça marche pas mal. Ouais. Okay. Mais c'est... Voilà, faut que ça reste très grand public, très, très illustré. Et à ce moment-là, les libraires s'intéressent un peu plus aux livres. Sophie, toi, tu te rappelles à la Poudrière, ils ont une grande bibliothèque et il y avait plein de livres ou il y avait quand même pas mal de bouquins, mais bon, voilà, c'est vrai qu'effectivement il y avait une petite étagère, il y avait plein de bouquins, non, il y avait une petite étagère à Centre Images, ils avaient une belle bibliothèque, par contre là où j'ai tourné Les Escargots de Joseph, ouais. Il y avait pas mal de livres, mais moi c'est vrai que j'en ai très peu chez moi, j'ai juste le bouquin d'animateur Richard Williams, c'est tout. C'est vrai que je l'ai pas cité, voilà qu'il faut avoir, ouais, c'est ça, c'est qui est ça. Le livre de référence des animateurs, mais ouais, c'est à peu près tout. Ouais, donc c'est ça le depuis le bouquin de Williams, c'était quoi, c'est la pierre fondatrice, et en fait après on s'est dit, est-ce que c'est toujours ce démon d'animation de passer uniquement par en tout cas beaucoup par la technique, plutôt on a eu Hervé Joubert-Laurencin. J'ai quelques livres comme ça, mais... En fait, les presses universitaires de France ont sorti un dictionnaire culturel de l'histoire de France et ils m'ont demandé d'écrire l'historiographie du dessin animé en France. Et donc de répertorier un peu les livres qui étaient sortis. Et ben, je dois dire que ça a été finalement vite fait, c'est-à-dire qu'il y a finalement très peu de livres sur le dessin animé français. En France, alors il y a beaucoup de traductions, mais encore une fois, on revient à la même chose que tout à l'heure sur les artbooks. Mais c'est vrai qu'il y a déjà peu de thèses qui se font sur le cinéma d'animation, et il y en a très peu qui sont éditées. Et puis après, il y a peu d'auteurs qui, de manière générale, travaillent sur le cinéma d'animation. Et Dreamland a fermé en 2004, et depuis 2004, il y avait quasiment aucun éditeur vraiment qui faisait régulièrement. De temps en temps, il y a un éditeur qui fait un livre sur le cinéma d'animation, mais c'est un peu un accident, on va dire. Juste, j'ai oublié de vous préciser, pour connaître un peu plus sur les invités, les trois invités qui sont autour de la table, vous pouvez regarder sur le site, sur The Web Anime, j'ai mis des liens sur les trois sites de chacun de nos invités, donc comme ça vous pouvez voir un peu plus ce qu'ils font, sachant que Sophie c'est plus compliqué parce qu'en plus elle en a un autre sur les escargots de Joseph, enfin voilà, faut suivre un petit peu, c'est une espèce de truc un peu comme le petit pousset, elle sème comme ça, donc, voilà, c'est ça, donc faut regarder un petit peu, mais déjà les trois, voilà, comme ça en direct, voilà, vous pouvez le faire, je sais que comme ça Nicolas peut le faire devant son écran, il est là, il peut le faire, donc comme ça vous pouvez faire aussi la même chose, voilà, ça c'était une chose, des thèses. Justement, Stéphanie, toi, c'était une thèse à la base. Oui. Ton livre. Est-ce que c'est quelque chose, quand toi, tu l'as fait? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a manqué ou pas du tout? L'important, c'était d'aller voir les gens. Et ça s'est passé comment, cette volonté d'écrire ce livre? Alors, effectivement, le point de départ, c'est une thèse de doctorat. Et ça s'est passé... J'ai d'abord consulté le genre d'ouvrage dont nous parlons. J'en ai trouvé certains. J'ai commencé avec quelque chose de très basique qui était c'est un livre donc de Taschen qui est Animation Now qui est bien et le concept du livre DVD puisqu'on va en parler avec Sophie est assez efficace à ce niveau-là parce que il permet d'avoir des images en direct. Et puis très vite, c'est le but d'une thèse de doctorat, c'est d'apporter quelque chose de nouveau. Donc il s'est agi de trouver de la matière nouvelle en allant faire des interviews, en se rendant sur place pour rencontrer les artistes dans leurs ateliers. C'était le cas pour Florence Miaille. Je suis allée en Suisse voir Georges Schwitzgebel. Enfin voilà, José Antonio Sistiaga, à la frontière espagnole, dans le Pays Basque. Donc voilà, très vite créer de la matière neuve et actuelle. Voilà, tout simplement. Est-ce que c'est pas... Ouais, le mot actuel est intéressant parce qu'en fait, par exemple, aujourd'hui, si des gens qui nous écoutent, c'est souvent un exemple que je prends, que je trouve ça étonnant, s'intéressent à l'histoire du cinéma d'animation, se disent, tiens, on va parler d'Émile Reynaud tout à l'heure, se disent, tiens, c'est intéressant, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on peut en acheter aucune en français. Réellement. Alors après, heureusement, on a une chance incroyable en France, c'est les bibliothèques, enfin, je suppose qu'il y a d'autres pays, mais voilà, on a cette chance-là, ce qui fait que le livre d'Olivier Cotte, le livre d'Olivier Cotte, celui de Gianalberto Berto Bendazzi, voilà, il y en a d'autres, on peut les trouver comme ça en bibliothèque, mais on n'a rien, en effet, d'actuel. Sébastien? Bah, en fait, le problème, c'est que c'est des tout petits tirages, par exemple, chez l'Harmattan, c'est entre 50 et 100. Exemplaires. Alors quand ça fonctionne, on peut en réimprimer, mais l'économie du livre, du cinéma d'animation est très très limitée. Donc en fait, l'Harmattan, eux, ils réimpriment, c'est parce qu'ils marchent en numérique. Mais quand vous avez un vrai éditeur, enfin un vrai entre guillemets, qui va vraiment faire du offset, faire du offset, et là il va en faire d'un coup 1000. Si c'est pas vendu dans les mois qui viennent, ça passe au pilon, c'est-à-dire que ça disparaît. Donc effectivement, il y a un problème de trouver dans le commerce. Après, effectivement, il y a des bibliothèques, mais si c'est pas vendu assez rapidement, ça passe en déstockage. Et puis si c'est pas vendu en déstockage, c'est détruit. Est-ce que c'est pas un problème aussi de mise en place? Est-ce que c'est pas un problème est-ce que les vendeurs connaissent? Et est-ce qu'on met pas ça dans un coin? Enfin moi, je sais, genre il y a quoi? On est à Paris, moi je suis à Paris. Il y a Gibert. Il y a une ou deux Fnac qui le mettent, mais c'est quand même dans les bas, tout en bas. On a l'impression même que c'est fait pour les enfants. C'est bien mis en bas et on a l'impression que c'est quand même caché. C'est ça le problème. Déjà, il y a 35 000 titres qui sortent en France chaque année de livres. Donc, il faut faire une petite place au cinéma d'animation dans le grand rayon du cinéma. Et effectivement, il y a un problème aussi de positionnement. C'est-à-dire que beaucoup de vendeurs ne comprennent pas ce que sont ces livres. C'est-à-dire soit ils sont rangés en histoire, si on a le malheur de marquer qu'on est historien du cinéma d'animation, on est rangé dans le rayon histoire, ce qui est pas mal, mais je préférais qu'on nous range dans le cinéma d'animation puisque on travaille pour ça. Ou alors on nous range dans les enfants. Et c'est un peu la même chose pour les DVD où à la Fnac on a du mal à trouver des DVD parce que ils sont rangés parfois, en tout cas pas toujours, mais parfois dans le rayon enfant. Donc il y a un problème de positionnement, de visibilité. Et puis comme c'est des petits tirages, les libraires, ils ont pas envie de s'embarrasser de ça parce qu'il faut les recevoir, il faut les vendre. Si on les vend pas, il faut les réenvoyer. Donc ça fait de la manutention et ils misent sur des titres porteurs. Donc si c'est des petites éditions, eux-mêmes renvoient sur Internet. C'est ça qui est quand même fort. C'est-à-dire qu'ils disent, nous on l'a pas, commandez-le directement sur Amazon ou chez l'éditeur directement. Ce qui fait qu'on a quelques livres seulement. J'ai oublié de dire quand même, j'ai dit qu'il n'y en avait pas. Il y a quand même un livre, en tout cas en France. Il y en a d'autres spécialisés, on va en parler, mais un peu plus généraliste, qui est celui de Sébastien Denis. Oui, qui est quand même le plus intéressant, des livres qui sont faits sur le cinéma d'animation. Et là, chez Armand Collin, on est à l'ordre de 1000 exemplaires. On n'est pas non plus dans des, mais c'est en plus il a été réédité, donc sans doute qu'il a connu du succès. Il est très intéressant. Il fait le point actuel sur le cinéma d'animation, donc ça c'est vraiment très bien. Est-ce qu'on a besoin absolument... Alors, j'ai deux questions qui me viennent en tête, mais elles sont tellement séparées que je me dis, laquelle, c'est pas grave, on verra qu'il n'y a pas de lien. Est-ce qu'on a absolument tellement besoin de ces livres-là, quand, je ne sais pas si Florentine va pas dans son agenda, mais il y a, moi, c'est quelque chose, j'ai eu beaucoup de mal, il y a un colloque qui se passe à Dijon en février, je ne sais pas si tu as vu ça, Sébastien, sur l'animation postmoderne. Et c'est ridicule. J'aime bien ce terme-là, toi. Hein? Pourtant, tu aimes bien ce terme-là, pourtant. Ah oui, oui. Non, mais je l'ai dit pour drive, pour rigoler, parce que j'aime bien cette idée de... Moi, j'avais dit post-postmoderne. Justement, pour me moquer un peu de ce terme postmoderne. Et c'est étonnant parce que, en fait, ils prennent, pour vous dire, si vous n'êtes pas au courant, c'est quelque chose qui m'a posé problème, parce qu'il y a notamment Lucie Mérigeux qu'on a eu ici, qui va parler de Pixar, et dans des termes justement un peu, justement... pas ébranler un peu mais le mythe Pixar, mais quand même y réfléchir autrement. Sébastien Denis sera là aussi. Mais cette idée, quand même, le texte de départ part en disant que c'est 1988 et que pour eux, c'est le début de l'animation postmoderne, puisqu'il y a Akira et qui veut la peau de Roger Rabbit. Et on a l'impression d'un tel manque. À la fois, c'est intéressant qu'il y ait un colloque sur le cinéma d'animation, c'est plutôt pas trop mal, c'est plutôt bien. Et enfin, il y a un tel manque de connaissances que finalement, on arrive à dire des choses un petit peu bêtes comme ça. C'est quand même... En fait, le problème, c'est que il y a rien de vraiment fixé, effectivement, sur le cinéma d'animation. Donc, chacun, si on écrit un livre, on est finalement spécialiste du jour au lendemain, puisque on est le seul. Et c'est ça un peu le problème, c'est qu'on n'a pas, on manque de contradicteurs dans le cinéma d'animation et dans l'université aussi en général, qu'on aimerait bien. Moi, ça fait 7 ans que je fais ma thèse. Je la soutiens le 15 février prochain. J'allais en parler. Voilà, ça tombe bien parce que tu en parles. Mais j'aurais bien aimé avoir des contradicteurs et qu'on me dise que ça c'est faux, etc. Et bon, je pense que ça va. Hervé Joubert Laurence, hein, dans le jury. Avec un peu de chance, peut-être. Oui. Non, mais c'est ça aussi qui manque, c'est qu'on se sent parfois un peu seul. Et du coup, on n'est pas forcément remis en cause, alors que d'être remis en cause, parfois, ça fait du bien. De se dire on s'est peut-être trompé ou ce genre de choses. Ça manque un peu aussi en France. Et puis, je crois que ce qui manque aussi beaucoup, c'est qu'à l'université, il n'y a pas de cours vraiment sur le cinéma d'animation. Donc là, j'ai commencé cette année à Paris 3 un cours sur histoire du cinéma d'animation avec donc, des étudiants en cinéma. Et parce que effectivement je pense que ce qui manque, c'est vraiment des gens qui auront une formation universitaire sur le cinéma d'animation et qui pourront après faire des recherches en beaucoup plus grand nombre que ce qu'on fait maintenant. Il faudra les engager à acheter les livres, bien sûr. Et le grand problème, c'est qu'effectivement, ils ont eu des dossiers à faire et ils se contentent de ne pas lire. Enfin, déjà, ils les achètent pas, mais en plus, ils ne les lisent pas. Et ils se contentent d'aller sur Internet, de faire du copier-coller. Et voilà. Et ça, c'est un peu... Enfin, c'est général, mais c'est exaspérant. Il y a une page peinture animée sur Wikipédia ? Il y a une page peinture animée qui existait déjà, qui n'était pas très exacte, qui est toujours assez peu complète, mais je l'ai complétée en disant qu'il existait un livre voilà, qui traitait de la peinture animée avec des références. Et pour rebondir sur l'histoire d'Internet, il y a peut-être une chose de très positive dans tout cela, c'est que... aujourd'hui, si quelqu'un cherche un ouvrage, bon, je vais par exemple sur la peinture animée, tout de suite, on tape ça dans un moteur de recherche et on trouve tout de suite. Et pour peu qu'on veuille investir une somme assez modique, finalement, on se retrouve avec sans avoir bougé de chez soi, avec la livraison de la connaissance que l'on a recherchée. Donc, je trouve que c'est pas mal. Parce que il y a quelque temps, il fallait encore faire des recherches dans les strates des bibliothèques, aller voir quel jour c'était ouvert, que la bibliothèque spécialisée, s'inscrire, avoir justifié d'une recherche spécifique pour avoir des ouvrages un peu pointus, comme ceux dont on parle, parce que finalement, s'il y a aussi si peu de choses spécifiquement liées au cinéma d'animation, c'est parce que ça traite... De sujets qui peuvent aussi être très pointus et qui sont difficilement classables, parfois même dans l'univers enfantin, comme ce que tu soulevais tout à l'heure, Sébastien, ou alors dans le cinéma d'animation pur. Moi, c'est le problème auquel je me suis confrontée, parce que je voulais pas enfermer la peinture animée dans le cinéma d'animation. C'est non plus dans l'univers enfantin. Finalement, on était plus dans quelque chose de l'ordre de l'art contemporain. Donc, c'est difficile. Et ça me permet de rebondir sur postmoderne. Postmoderne, ce colloque, il faut voir ce qui est entendu derrière la notion de postmoderne. C'est vraiment l'idée pour eux. Non, mais il y a une problématique. On va pas. Mais il y a une problématique qui est assez claire, qui est l'idée de partir d'une date, encore une fois, qui est 88 et qui est surtout du long métrage. C'est-à-dire que l'erreur que fait ce colloque, c'est de partir évidemment sur une base historique long métrage plutôt que du court, alors qu'on sait bien que le court est le format presque le plus important, au niveau de même la créativité pour l'anime. Et c'est leur problème. C'est-à-dire que moi, je trouve ça très bien hein, qu'ils fassent un colloque. Je trouve ça plutôt intéressant. C'est vrai que, alors, je suis prêt à... C'est des gens qui écoutent, alors c'est en février, mais vraiment les recevoir ici, c'est vraiment pas une question d'attaquer. C'est, par exemple, il y a quelqu'un qui fait une, comment on appelle ça, dans un colloque? Une communication. Merci, une communication. sur les films d'étudiants. Et aujourd'hui, les films d'étudiants, c'est ce qu'il y a de plus complexe dans le monde de l'animation. Je reviens de Clermont. Il y a 5 films de Lensad, un film de La Poudrière, 3 films de je sais plus quel autre, donc il y a du Royal College of Art. Donc il y a, c'est incroyable le nombre de films d'étudiants qu'il y a, et c'est une grosse problématique. La Poudrière pose encore des problèmes parce que La Queue de la Souris est nominée au César, alors que c'est un film en plus 2007, c'est un film d'étudiants, donc ça pose plein de problèmes. Et la seule chose sur la personne se base sur les films des Gobelins et de l'ESMA, parce qu'ils sont sur Internet. Donc on sent que c'est même pas quelqu'un qui a été en festival et qui finalement est resté chez lui, et c'est un peu dommage. Alors c'est vrai que c'est un peu dur de critiquer, de... C'est le problème général, c'est-à-dire que j'avais mes étudiants, je leur ai donné un dossier à faire sur un film d'animation précis. Et j'ai eu des mails, monsieur, je peux pas travailler dessus parce qu'il n'est pas sur Internet. J'ai dit, mais enfin, ça veut dire que avant Internet, personne ne travaillait sur le cinéma ou sur le cinéma d'animation. Vous pouvez pas aller dans une bibliothèque. Vous ne connaissez pas la Bifi, vous ne connaissez pas la Cinémathèque française. Enfin. Et en fait, les étudiants, et là, je me trouve très vieux d'un coup, je me dis, mais ils n'ont aucun esprit de recherche. C'est-à-dire que si c'est pas dans Google, ça n'existe pas. Donc, voilà. C'est assez hallucinant, mais s'il n'est pas sur la vidéo tout de suite sur Dailymotion ou truc, eh ben, on ne l'étudie pas parce que, faut faire une démarche, faut aller voir, demander. Et ça, c'est insupportable. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le revers de la médaille, c'est que Stéphanie, en fait, t'as raison. Moi, j'ai retrouvé un bouquin sur l'animation expérimentale des années 70 aux États-Unis, enfin, un truc incroyable. Et j'ai récupéré sur Amazon pour pas très cher, enfin voilà, donc c'était, sauf qu'en effet, faut savoir rechercher. Vous achetez des livres. C'est ça, les étudiants cherchent, c'est du pré-cuit. C'est-à-dire, ils cherchent pas les livres, ça les intéresse pas. Ils cherchent l'information. La fiche de lecture oui, sur la le film. Oui, la fiche de lecture. Voilà. Ça ne les intéresse pas une seconde. Et encore, faudrait la lire. Non, ce qui les intéresse, c'est quelque chose de très condensé, mais c'est surtout pas de livres. Ils achètent pas les livres. T'as fait comment ton devoir de cinémato, Florentine? Moi, j'ai cherché. Bah, sur Internet? Non, j'ai regardé des films et puis j'ai réfléchi dessus. Stéphanie, tu voulais dire quelque chose? Non, juste sur l'objet du livre, en fait. C'est dommage parce qu'il y a un rapport à créer avec cet objet du livre qui retrace à travers les petites écritures qu'on met en marge, si jamais on se permet d'écrire. Moi, j'aime bien faire ça. C'est une manière de communier avec son sujet et de commencer déjà une recherche presque écrite, quoi. Donc il y a un lien à créer avec un livre, et devenir propriétaire d'un livre sur un sujet qui nous intéresse, ça représente quelque chose. Je trouve qu'on n'a pas dans cette recherche superficielle, très éphémère, ultra rapide, non vérifiée, que nous met à disposition Internet. Moi, je te fais sur les PDF, sur le côté, oui. Mettre des post-it ou des choses comme ça. Oui, c'est vrai qu'on peut aussi avoir cette objet. Relation. Un tatouage agrafé, c'est pas le même objet, je trouve. Après, on peut s'y reporter. Plus tard, on continue dans ses recherches. Bon, après, j'ai pu donner des conférences, ramener des livres, les partager avec des étudiants. C'est une vraie histoire qui se crée. Et puis surtout, quelque chose de très bête, j'ai remarqué récemment, et j'ai quelques livres comme ça très peu, parce que c'est vrai que je le fais pas assez, mais la dédicace. C'est-à-dire d'avoir une dédicace et de rouvrir un livre et de dire « Ah oui, c'est vrai, j'ai fait rentrer l'auteur. » Ou alors on me l'avait offert. Quand on offre un livre et d'un seul coup qu'il y a une dédicace, moi je sais que j'ai une dédicace très importante dans le cartoon de Gianni Alberto Benedetti, justement, qui m'ont dit « Et à chaque fois, je m'y retrouve en disant « Ah oui, c'est vrai, il ne faut pas que je lâche tomber le cinéma, enfin, etc. » Des choses qui sont très personnelles, et c'est assez étonnant. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas l'avoir dans un PDF. Qui a écrit le cinéma graphique? Dominique Willoughby. Voilà, et bien ce monsieur, ce professeur, j'ai été sa première dédicace à la Cinémathèque française. J'étais allée voir à l'exposition et à la fin de l'exposition qui était sur les lanternes magiques et le film peint, il avait fait une conférence sur son sujet et il sortait son livre. Et j'ai eu la chance d'avoir... c'était la première dédicace qu'il a faite. Bah, ça m'a marqué, effectivement. Ouais, c'est ça. C'est tout à fait ça. La conférence qui est d'ailleurs en ligne sur le site de la Cinémathèque de Dominique Willoughby. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent la voir, voilà, ils peuvent la voir. Moi aussi, je l'ai eu en prof. Toi aussi, Florentine. Moi, je fais un cours avec lui. Ouais, tu fais un cours. Toi, maintenant, t'es une amie de Willoughby. C'est différent. Ouais. Et puis, on a les étudiants, photocopieurs, invétérés aussi. Mais voilà, parce que bon, c'est le téléchargement, c'est... Voilà, et il y a des choses bien. Est-ce que là, c'est vrai qu'on parle un peu, on a vraiment l'impression. Non, mais sincèrement, quand moi je dis que j'achète des CD et que j'achète des DVD, j'ai toujours l'impression de passer pour un débile mental. Mais pour moi, je refuse de télécharger, illégalement. Je sais que même si je trouve un truc, ça me fait mal au cœur de télécharger un film quand je sais qu'un réalisateur a pu passer des mois dessus. Voilà, pour moi, c'est... Ouais. Voilà, donc ça me chagrine. C'est complètement un autre sujet. Ça, c'est un grand débat. On parlera parce que je pense que le téléchargement est importante. C'est que je pense que si on apprend aux gens, je pense que moi, j'achète autant quasiment que je télécharge. En tout cas, au niveau argent, je mets autant d'argent ou en tout cas, voilà. Donc c'est vrai que c'est juste le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est cette société. Sauf où que on a quand tu retrouves ton livre sur Google Books, c'est pas forcément. Ouais, c'est l'auteur qui parle. Non, mais en livre. Ah non, mais quand j'ai, par surprise, j'ai retrouvé mon livre sur mes deux livres sur Google Books. Ouais. C'est vrai que ça fait quand même mal au cœur. Même si je ne fais pas ça pour l'argent, voilà, c'est quand même quelque chose qui fait tiquer. Je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, c'est expérience vécue aussi. Et c'est vrai qu'on ne touche rien sur les ventes de bouquins. Mais ça, oui, on se dit que c'est vraiment dommage. C'est tellement rien. C'est tellement rien. C'est trois places de cinéma. Il faut arrêter, quoi. C'est vrai. Non, c'est... non, mais vraiment, quand on le voit, on se dit c'est pas vrai. Mais on comprend les. Surtout qu'on voit les commentaires aussi. C'est génial, parce que quelqu'un poste le truc génial. Ça fait des années que je le cherche, alors que le bouquin est sorti en 2010. On se dit excuse-moi. Ça fait tout drôle. Donc voilà, donc toujours acheter le livre. Après, il faut que ce soit toujours disponible. En effet, on l'a dit. Mais vous pouvez l'emprunter en bibliothèque, puisque tout, maintenant, c'est... depuis 3-4 ans. Non, 5 ans maintenant, grâce à la SOFIA. La SOFIA, c'est la société qui redistribue quand les gens empruntent dans les bibliothèques. Maintenant, il y a une société de redistribution des droits qui donne un petit pourcentage à l'auteur. Donc en fait, si vous empruntez à la bibliothèque depuis 2005, tel livre, tous les livres sont référencés et donc on donne aux auteurs un petit pourcentage. C'est pas grand chose, mais au moins parce qu'on s'était rendu compte que bah oui, un livre peut être emprunté 100 fois et l'auteur ne touchera rien. Donc là, c'est un système qui s'est mis en place petit à petit et c'est pareil, j'ai dû toucher 35 €, mais quand même, c'est juste pour le principe. C'est le principe. Voilà. Donc revenir vers le livre. On a compris, c'est super important. Par contre, revenir vers le livre, mais pourquoi ? Alors en animation, pour revenir rapidement là-dessus, puisqu'en effet, on en parlera tout à l'heure, je trouve que je suis allé au Salon de Montreuil et le nombre de livres pour enfants, par contre, c'est... C'est impressionnant. Hein, c'est... Ouais. Et puis pas 8 €. Non. Ils sont souvent assez chers et il y a un monde fou et ouais. Ça marche bien, je suppose, parce que sinon, enfin voilà, les boîtes fermeraient au fur et à mesure et que là, moi je sais que j'avais 2-3 livres d'Actes Sud... enfant, hein, 25 €. Alors, super beau, mais on regarde le prix après. Ça fait mal au porte-monnaie. Voilà, c'est un petit peu. Donc ça marche. Donc pourquoi ça marche pas? Est-ce que c'est vraiment parce que l'animation intéresse si peu de gens que ça? C'est-à-dire que c'est combien les ventes de propagande animée? Tu m'aurais la même chose. Et après, Je sais pas si je peux parler de ça parce que je suis en conflit justement. Donc, toi, t'as pas les chiffres alors, par rapport chiffres, à ça. Alors, les chiffres de ceux de l'Armatan. Pour le premier, animation et propagande dans les 700. Et Disney la France, on doit s'approcher des 800 exemplaires. Donc, ce qui est un bon tirage, on va dire. C'est un bon tirage par rapport, oui, aux tirages qui se font habituellement chez l'Armatan et puis dans la collection cinéma d'animation. Et toi, tu as des chiffres, Stéphanie, sur le... J'ai pas de chiffres récents, mais je suis en attente d'une précision parce qu'en fait, moi, j'ai été amenée à me poser la question du e-book. C'est-à-dire que lorsque j'ai signé mon contrat avec l'Armatan, Il y avait une clause sur l'e-book. Il y avait d'autres clauses d'ailleurs que j'ai fait modifier. Mais bon, là-dessus, on m'a dit voilà, ce sera l'objet d'un autre contrat, d'un avenant. Et puis finalement, on n'en a pas reparlé. Donc j'attends de savoir si les e-books vendus font partie, ce qui devrait être normal, des comptes comme livres vendus pour l'auteur. Et je n'ai pas encore la réponse. D'accord. Mais donc, en tout cas, c'est pas des gros chiffres. Est-ce que, encore une fois, est-ce que ça veut dire, alors que tu l'as dit toi-même, que c'est croissant? C'est-à-dire que l'envie des gens pour l'animation est croissante? Est-ce que ça veut dire que, voilà, les gens sont vraiment tellement peu intéressés à lire aussi sur... En même temps, je critique et je comprends. C'est-à-dire que je comprends pourquoi les gens vont acheter des artbooks. Parce que c'est un bel objet. Et que effectivement un livre chez l'Armatan ou chez un autre éditeur, mais qui il sera il n'y a pas de photo quasiment. Et oui, il n'y a pas d'image, donc en même temps je comprends. C'est-à-dire que il y a juste le texte, donc finalement c'est pas un bel objet si on veut acheter un artbook, ça peut être considéré, je fais un achat bel objet. Un livre chez l'Armatan, c'est pas un bel objet. Voilà, je pense que c'est vraiment ça la différence. Mais pour autant, c'est pas pour qu'on va vendre des dizaines de milliers d'exemplaires non plus. Je pense que oui, ce sont pas les mêmes acheteurs. C'est-à-dire que le profil de l'acheteur des livres que nous avons écrits, qui sont publiés à l'Armatan, c'est le chercheur qui déjà a le profil d'un engagé, c'est-à-dire qu'il gagne vraiment pas un copec, et il est corps et âme et bourse dédié à sa recherche. Donc il va se tourner vers un maximum de livres. S'il y a des artbooks qui ce sont des manuels de valeur et qu'il peut se les procurer, il va le faire. Mais les artbooks sont plus achetés par, pas des collectionneurs, mais on va dire des gens qui vont être en recherche d'un bel objet avec une couverture un peu rigide, mate ou brillante, enfin un certain... Tous les étudiants, c'est vrai qu'à Annecy, on voit bien que des étudiants se précipitent pour acheter en disant... Sur la boutique, en disant j'ai acheté le artbook de... Voilà. Oui, voilà. Du dernier Miyazaki. Et c'est vendu avec les bandes dessinées souvent. Oui, c'est ça. C'est un objet qui est beaucoup plus... Et puis parfois, qu'il y a ce fameux CD avec l'interview ou le film ou le quoi. Voilà, donc c'est pas les mêmes profils. Et à ces profils sont associés à un certain pouvoir d'achat, quoi. Donc quelque part, on vient de le dire, s'il y a peu de livres, théorique, c'est parce que s'il y a peu de chercheurs finalement, peu d'étudiants pour l'instant qui travaillent dessus, est-ce qu'on ne peut pas imaginer, moi j'avais été un petit peu marqué par ça, il y avait un gros livre qui était sorti sur la propagande animée, pas le tien, mais sur la propagande animée, qui était 800 pages, hein, qui était un assez gros livre, j'avais eu ça, et il y avait, je crois, 5 lignes à un moment donné sur la propagande dans l'animation aux États-Unis. C'était seulement, il y avait juste ces 5 lignes-là, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on n'a pas un problème aussi, des historiens du cinéma, avec prise de vue directe, hein, ceux qui sont en plus large, qui en fait ne connaît strictement. Est-ce que ça va changer d'avoir un cours comme tu fais, par exemple? Ça, c'est évident que dans mon introduction, justement, je me dis, mais pourquoi il n'y a pas eu plus depuis le temps, plus d'auteurs que ça? Et j'ai listé un peu les choses. Et pour moi, la première chose, c'est que oui, ça ne les intéresse pas. C'est-à-dire que beaucoup ne sont pas intéressés par l'animation, tout simplement. Donc, quand ils s'intéressent à un sujet, l'animation, c'est mis de côté parce qu'effectivement, il y a beaucoup de courts-métrages et souvent, on s'intéresse que aux longs-métrages et souvent, c'est dénigré. C'est souvent confondu avec Disney, ce qui montre d'ailleurs que le peu de connaissances qu'ils ont du dessin animé, c'est souvent le terme qu'ils emploient plutôt que cinéma d'animation. Donc, pour eux, il n'y a pas vraiment de différence entre les deux. Il y a vraiment un manque de connaissances puisqu'il y a un manque d'intérêt. Parce que c'est dénigré tout simplement, et c'est un dénigrement très français, très intellectuel, parce que depuis les années 50, il y a vraiment Disney a été jeté aux orties, et du coup depuis les années 50, étudier l'animation des grands studios, ça ne se fait pas, alors qu'aux États-Unis ça se fait. Et les petits studios, c'est pas vraiment plus étudié parce que c'est mal connu, c'est plutôt artisanal, etc. Ouais, parce que pourtant, l'Armatan, là, vos deux livres sont, on peut pas dire, enfin, je sais pas si le mot intellectuel, mais en tout cas, sont poussés, sont de vraies recherches. Enfin, voilà, on a. Oui, mais voilà, on est combien? On va complexité. Voilà, c'est ça, au début, en fait. Là, on dit ça, mais il faut peut-être attendre 5-10 ans que ça commence je à Je crois qu'il fruit. Y a, j'avais listé, je crois qu'il y a 30, une trentaine de thèses en ce moment sur le cinéma d'animation. et aucune, enfin une, sur le cinéma en France, le cinéma d'animation en France. C'est-à-dire que tous les sujets sont tous quasiment soit sur le cinéma japonais, soit sur le cinéma américain. Et parce que les gens ne s'intéressent pas au cinéma en France. Sauf que là, la peinture animée, il y a tout. Oui. Il n'y a pas que, il y a français, enfin voilà, suisse. Oui, oui, il y a vraiment. Italien, on a beaucoup de noms. Toccafondo, oui, oui. Voilà. Beaucoup de nationalités mélangées. Pour revenir sur ce qu'on disait, je pense aussi que le cinéma d'animation et la théorie font pas forcément bon ménage. C'est-à-dire qu'en cinéma d'animation, on a énormément d'œuvres de création, énormément. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, c'est un foyer, il se passe plein de choses. Et en revanche, il n'y a pas l'équivalent, je dirais, en critique de toutes ces œuvres et en comparaison et en voilà, on n'a pas théorisé tout cela. Pourquoi la question est posée. Parce que les critiques, effectivement, le cinéma d'animation est difficilement critiquable. Enfin, il y a beaucoup de critiques qui se cassent un peu les dents sur le cinéma d'animation. Et il y a finalement peu de critiques. Bon, déjà sur les courts-métrages. Et du coup, c'est un espèce d'effet boule de neige. C'est-à-dire que les chercheurs, ils aiment bien déjà avoir un corpus déjà tout fait d'articles et de critiques, et là il y a rien. Donc en fait, du coup, il faut partir de rien ou de pas grand chose, et ça demande une énergie décuplée parce que il faut tout vérifier, c'est beaucoup plus long. Et puis en plus, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, d'autant plus moi pour le sujet que j'ai traité, la peinture animée, il y avait vraiment zéro à l'international, quoi. Et en plus de cela, du coup, ça nous oblige, il faut bien commencer par présenter un certain panel de choses, le corpus des œuvres, comme tu en parles, partir de cela. Et donc, du coup, non seulement on ne va pas dans le sens de s'opposer à certaines positions qui auraient déjà été prises et à les enrichir, mais en plus, on est soi-même face à une problématique que l'on doit nourrir sans pouvoir la soumettre à d'autres échos, à d'autres discours, parce qu'il n'y en a pas. En fait, on a un problème aussi, je pense, pendant des années, que ce que je disais quand on m'appelait journaliste récemment, je disais mais non, je ne suis pas du tout journaliste, c'est que souvent, en animation en tout cas, c'est des passionnés, et on verra avec toi, c'est des passionnés en fait, qui d'un seul coup deviennent ou journalistes ou écrivent des livres ou font des festivals ou quoi, parce qu'en fait, il y a un tel manque que finalement on s'improvise. Alors, des métiers qu'on n'est pas. Et c'est pas plagier, il y en a énormément en France, par exemple. Dans ma thèse, je fais pas de pub parce que c'est pas à vendre, mais je fais la différence entre un historien et historien. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui, en amateur, ont joué le rôle d'historien, mais le problème, c'est que souvent, il n'y a pas de référence aux sources. Ils prennent des notes à la volée dans un truc, mais on ne sait pas d'où ça sort. C'est juste... genre ciné-club, on fait plein de fiches sur des réalisateurs, sur des films, et c'est par exemple aux archives de l'AFCA, c'est des archives très cinéphiliques, c'est un peu savant, on veut voir tout, on fait des petites fiches sur tout, sur des petits cartons, sur des fiches Bristol, et puis après il y a rien. Et pour moi, c'est ça qui manque en France, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens historiens amateurs entre guillemets, c'est pas méchant, mais juste des gens qui n'ont pas forcément fait d'études d'histoire, donc ils vont pas aux archives, ils vont pas chercher une archive juridique ou une archive économique, et donc du coup ils confrontent ça avec rien. Sauf que c'est quand même, est-ce que ça ne revient pas à ce que c'est Stéphanie, c'est-à-dire est-ce que finalement on a les historiens ou les historiens, en tout cas voilà, les gens qui écrivent, qui vont avec le cinéma d'animation, c'est-à-dire un cinéma qui est quand même avant tout encore assez artisanal, même si ça change, là on parle en court-métrage, et que finalement les gens qui écrivent ou qui font les émissions de radio, moi le premier, voilà, on est des gens qui... enfin moi j'ai jamais fait d'émission de radio, c'est juste comme ça, c'est se dire c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas une émission de radio sur l'animation. Il y en a une qui est créée, Olivier Catrin, qui le faisait merveilleusement bien avant s'arrête, et d'un seul coup il faut que quelqu'un reprenne, on y va. Mais finalement, on s'improvise énormément comme... je ne vais pas dire que les gens de l'animation s'improvisent, Sophie, Florentine, elles en font aussi dans les films d'animation. Mais c'est vrai qu'on teste beaucoup de choses, on dit, est-ce que ça marche? Est-ce qu'on ne fait pas la même chose? Est-ce qu'on ne fait pas la même chose? Oui, mais c'est... Les choses changent. Oui, mais c'est bien ça le problème, c'est beaucoup de bricolage. On a dépassé évidemment largement. C'était super intéressant. Enfin, vraiment, je trouve que finalement, il y a un jeu qui se passe là, qui est au-delà du livre, mais qui est aussi, à mon avis, ça c'est... Alors, vous pouvez réagir autour de la table, parce que je vais quand même pas dire quelque chose et vous empêcher de réagir, mais je pense aussi qu'on a, on a énormément mis, nous, dans le monde de l'animation, je critique beaucoup ça pour l'instant, d'ailleurs, on a tellement voulu que l'animation sorte un peu, voilà, et qu'un public plus large, juste, je fais ma petite idée, excusez-moi Sébastien, mais finisse, qu'en fait, on a oublié quand même de parler un peu plus à un public un peu plus large et qu'aujourd'hui, on en est à se poser des questions sur, et à juste titre, sur des thèses et sur des choses qui vont un peu plus loin, qu'en fait, personne quand même connaît encore aujourd'hui réellement le cinéma d'animation. On a un vrai problème de connaître, en effet, il y en a sur Internet. Moi, j'ai des étudiants qui ont des gigas de films, mais ils ne savent pas ce que c'est que ces gigas de films. Et y a une méconnaissance du cinéma, enfin, moi, je vois en DMA, en Gobelin, enfin, etc., hein, toutes les écoles dans lesquelles on peut, du cinéma déjà dans le monde de l'animation, donc en dehors. Donc, est-ce qu'on n'a pas mis un peu aussi la chose avant les bœufs ? Ou alors, non, de toute façon, tout doit avancer en parallèle et on verra bien ce que ça donnera. Oui, je veux dire, effectivement, on a créé en France des icônes et il fallait pas les critiquer. Et voilà, donc je pense à certains réalisateurs. Et voilà, il fallait surtout pas dire quoi que ce soit parce que c'était le seul qu'il y avait. Donc, il fallait pas critiquer. Tu parles de qui, Jean Renoir ? Non, il n'a pas fait beaucoup d'animation. Qui tu pourrais parler ? On va en parler. On va juste. Ce que j'aimerais, c'est qu'on. De manière. Alors, vraiment, 5 minutes. C'est juste. Bon, Bazar & Co, c'est. C'est quasiment malheureusement fini, comme l'a été Dreamland avant. Donc, il y a quoi ? L'Harmattan et Roll. Un petit peu. Donc, là, le bouquin de Sébastien Denis, il est à. Ouais, mais c'est pas une collection sur l'animation. Voilà, c'est... donc en fait, il y a une collection qui est à l'Harmattan, double en fait, puisque. En fait, il y a la collection Champ Visuel, qui est une collection sur le cinéma en général. Et pardon. Ouais. Non, excuse-moi. On va rester juste à un moment donné sur le cinéma d'animation. Et je leur avais écrit en disant, c'est dommage qu'il n'y ait pas une collection sur le cinéma d'animation. Et donc, ils m'ont dit, allez-y. Et donc, en fait, j'ai dit, c'est dommage parce qu'il y a des thèses qui dorment dans des bibliothèques qui mériteraient sans doute d'être publiées. Donc, voilà pour cette raison-là. Et je suis content que le premier titre qu'on ait publié, Le langage comique de Tex Avery, a reçu le prix Norman McLaren Lombard du meilleur livre du cinéma d'animation en 2011. Donc, bravo. Voilà. C'est combien de livres par an cette collection ? Elle existe depuis combien de temps et c'est combien de livres par an ? Alors, on a commencé en 2010. Là, le sixième titre va sortir. On essaie de se tenir à 3 par an, hein, à peu près. Les choix éditoriaux, c'est... You yourself and you, c'est toi qui décides. C'est moi qui décide et on a appelé cinéma d'animation, cinéma avec un S et d'animation avec un S, justement pour que on puisse publier le plus de choses diverses. Je veux pas que ce soit que des choses d'histoire de l'animation. Je veux pas non plus me fermer à Disney, donc il y a des livres sur des entretiens avec des artistes de Disney, donc sur le langage comique de Tex Avery, il y a eu sur Takahata, sur Miyazaki, il va y avoir sur Judith Gebel qui va sortir là bientôt, sur les écrits d'André Martin, sur le studio d'art de Shanghai. Voilà, je veux vraiment que la collection elle soit la plus ouverte possible. Voilà, donc elle est ouverte à tout le monde. Qui s'intéresse à l'animation. Est-ce que ça ne mériterait pas un peu plus ? Est-ce que c'est impossible d'imaginer un peu plus de livres par an ? Est-ce que c'est impossible d'imaginer un peu plus de photos ou d'illustrations à l'intérieur ? Ce serait vraiment bienvenu. Ouais, le problème, c'est que voilà, l'Harmattan... moi, au début, effectivement, j'étais assez critique et puis je me dis, ça a le mérite d'exister. Voilà. Bon, maintenant, je me suis dans ce sens-là, c'est-à-dire que si eux ne se lançaient pas... ça n'existerait tout simplement pas, ou alors il faudrait faire de l'auto-édition, mais voilà. Mais est-ce que si on je comprends très bien cette idée de difficulté de vendre, on a dit des chiffres qui sont, même si 700, 800 c'est déjà un bon chiffre on va dire, mais qui sont quand même très très pour l'Harmattan c'était un très bon chiffre, donc il faut plutôt se situer dans la centaine d'exemplaires. Mais est-ce qu'on n'a pas un problème quand on a quelque chose comme l'Harmattan qui d'un seul coup va avoir des livres 350 pages, 400 pages, assez poussés, assez... Et allez... Même si ils font des choses intéressantes, mais Erol par exemple, qui eux sont plutôt dans l'idée de faire des livres assez jolis, assez beaux, en tout cas entre guillemets, avec plein d'illustrations, qui sont les traductions de Richard Williams, qui sont le livre d'Olivier Code qui est intéressant sur les Oscars, mais à base d'interviews, ce genre de choses, où là il va y avoir les 70 meilleurs longs métrages d'animation tous les temps, ce genre de choses. Est-ce qu'on n'a pas un fossé, c'est-à-dire qu'on a des thèses qui deviennent des livres, on a des choses un peu plus grand public, et au milieu on a rien. Alors, on n'a pas tout à fait rien, parce qu'il y a Pyramide qui a édité une traduction de Paul Wells sur le cinéma d'animation. D'accord. Donc, il n'y a pas tout à fait rien, mais c'est vrai que l'idée, moi, quand j'ai présenté le projet chez L'Armatan, c'était publier des thèses. Voilà, mon idée, c'était ça. Après, maintenant, ça s'est un peu plus ouvert. Mais ce que je voulais, c'était soutenir des étudiants qui avaient travaillé sur le cinéma d'animation, parce que je suis persuadé que si la bande dessinée a acquis ses lettres de noblesse, c'est parce que un discours intellectuel, C'est greffé là-dessus. Tout à fait. Et pour l'instant, il y en a, mais c'est trop clairsemé, trop parsemé dans le temps. Et je suis persuadé, et j'y crois, dur comme fer, que si il y a vraiment un discours qui se crée, des colloques en plus grand nombre qui s'organisent sur le cinéma d'animation et des choses qui se publient. Et là, j'espère. Voilà, c'est l'idée, c'est de lancer une réflexion générale sur le cinéma d'animation.